Douzième chapitre. Tous les ans, comme les hirondelles, Emmanuel revenait au nid que les Legal lui avaient bâti dans leur habitation. Nid modeste, sans doute, pour le riche monsieur Tout-Venin, mais si bien réchauffé par l'amitié d'Yves et la tendresse de Jacquette, que le jeune artiste le préférait à son élégant hôtel de Paris. Tantôt, il se rendait directement à Saint-Lunaire, les mains pleines de petits présents pour ses amis. Il avait pour l'ancien marin des revues scientifiques, des comptes rendus de missions lointaines, et pour Jacquette, le livre nouveau, la pièce à succès. C'était surtout la petite fille qu'il comblait, trouvant une grande joie à la voir déballer les jouets, les poupées, les albums d'images, et à l'entendre répéter « Il y en a encore !» Tantôt il arrivait après une tournée dans ce pays de Bretagne dont il aimait la mélancolie. Il rapportait alors des cartons pleins d'esquisses, et c'était dans l'atelier, largement ouvert sur la mer, des causeries sans fin. Une année, Emmanuel refit la tournée qu'il avait faite autrefois avec sa mère et Siegfried. Seulement, au lieu de la terminer à Plougastel, il alla à Landévennec, au Folgoat, célèbre pour son pardon. Il vit les calvaires de Saint-Égonnec et de Guimillot, passa dire bonjour au Kerbois à Morlaix et prit le chemin des Écoliers pour aller de là à Saint-Lunaire. Il avait déjà ajouté quelque chose à l'ancien itinéraire, par exemple la route de Pont-Aven dédaignée par sa mère et celle de Quimper à Brest par Châteaulin et ses pittoresques environs. Il visita Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, Tréguier, Lannion, Trégastel, Perros, l'île de Bréa, Paimpol, Saint-Brieuc, ainsi que les riantes plages qui bordent le golfe au fond duquel est située cette dernière ville. Saint-Paul, que les gens de Morlaix disent à 300 ans et à 300 lieues de Saint-Brieuc, n'en est pas moins intéressant pour les touristes. Les Romains y ont eu un établissement, puisqu'on y trouve des médailles à l'effigie de Maximin, mais il était abandonné lorsque Paul Aurélien, venant de la Grande-Bretagne, y arriva, suivi d'un grand nombre de clercs et de laïcs. Ce Paul Aurélien, élu évêque, mourut en 570 et fut canonisé. Cette ville, fondée par un évêque, fut toujours habitée par une dévote population. Le nombre des édifices religieux y devint si grand qu'on la surnomma la ville aux églises, ou, d'après le style architectural qui y domine, la ville aux clochers à jour. Aujourd'hui, il n'y reste à voir que la cathédrale, le Crescaire, et, si l'on veut, Saint-Pierre, qui est du XVe siècle et sert de chapelle au cimetière. Après avoir vu le petit port de Paimpol, à 1 kilomètre de Saint-Paul, après avoir parcouru la ville elle-même, si vide, si peu vivante, on est frappé du contraste qu'ils offrent avec la majestueuse grandeur de la cathédrale. C'est que les évêques de Saint-Paul-de-Léon étaient de puissants seigneurs, et leur cité un lieu important pour la Bretagne chrétienne. Le style normand presque pur auquel appartient l'église augmente encore, par son austère simplicité, l'impression que produisent les proportions de l'édifice. Les parties les plus belles, la nef, la façade, le clocher et un porche latéral, datent de la fin du XIIIe siècle et du commencement du XIVe. Que n'avons-nous les rues des Siegfried en ce moment pour nous décrire le triforium et le clair-étage qui donnent tant de légèreté à la nef? Il nous dirait d'abord que le triforium, ménagé dans l'épaisseur du mur, simule les tribunes prenant jour sur la nef. Il ajouterait que le clair-étage ou clerestorie est au-dessus et qu'il est percé de fenêtres qui prennent jour au dehors et éclairent la nef. Puis il nous décrirait le tout en des termes techniques au milieu desquels nous craignons de trébucher sans son aide. Mais Siegfried est bien loin. On ne sait même pas au juste où il est. On est sans nouvelles depuis des mois. Pauvre Siegfried, on parle souvent de lui à Saint-Lunaire. « Pourquoi n'est-il pas resté avec vous ?» a demandé Yves. Emmanuel a expliqué le besoin d'être utile, dont Siegfried était tourmenté, et Jacquette a secoué la tête. Elle pense, tendre cœur, qu'on est utile aussi quand on garde un être aimé de la tristesse qui naît de l'isolement. Elle sait bien qu'elle n'aurait jamais quitté son petit garçon, mais c'est une femme, et son cœur est inaccessible à l'ambition. si vous l'interrogiez sur Notre-Dame du Crèsecœur, dont l'énorme clocher frappe la vue dès qu'on approche de Saint-Paul, elle prouverait probablement ses frivoles préoccupations de femme en vous racontant la légende, au lieu de vous dire qu'Albert le Grand parle de cette chapelle bâtie, suivant lui, de 1345 à 1399, et que Vauban considérait le clocher, haut de 77 mètres, comme l'ouvrage le plus hardi en ce genre qu'il eût jamais vu, et Vauban s'y connaissait. Cette merveille, célébrée par des dictons, s'élève entre la nef et le chœur. Elle est portée par quatre arcades, soutenues par quatre piliers quadrangulaires, composés d'une masse de colonnettes fasciculées. Le premier et le second étage sont carrés. Le dernier est surmonté d'une plateforme avec rampe de quatre feuilles et gargouilles. De là s'élance à haute flèche flanquée de quatre clochetons, tout ajouré de trèfles, de quatre feuilles et de quinte feuilles. De Saint-Paul à Roscoff, deux moyens de translation, le chemin de fer ou bien une voiture. Le premier est plus économique, le second permet de voir, non loin du village, du côté du nord, une allée couverte de 20 mètres, et la grande curiosité du pays, le figuier dont les branches sont soutenues par 38 piliers disposés en galerie. Emmanuel prit le chemin de fer. Il débarqua dans une gare dont l'élégance lui indiqua que Roscoff est ou aspire à devenir une station mondaine. Les baigneurs ont du reste le choix des plages. Il y en a trois, Rochecrome, Madeira et Sainte-Barbe, à la pointe de Blocon dont les rochers portent une chapelle. Si Saint-Paul est peu animé, il n'en est pas de même de Roscoff, ou du moins des champs qui l'entourent et du port qui fait un commerce de 10 000 tonnes à la sortie. Les Roscovites mettent à profit l'excellence de leurs terres et l'égalité exceptionnelle que le Gulf Stream donne à leur climat pour cultiver sur une étendue de 20 km les primeurs dont ils fournissent Brest, Paris, la Hollande et surtout l'Angleterre. Tout cela intéressait peu le jeune peintre. Ce qu'il était allé chercher à Roscoff, c'étaient les sauvages aspects des rochers granitiques, la rumeur des vagues dont ils sont assiégés et les grandioses paysages maritimes. Pour 25 centimes, on passe en bateau l'étroit bras de mer qui sépare Roscoff de l'île de Bas, une île destinée à s'abîmer un jour sous les flots qui la recouvrent en partie à marée haute. On eût dit que c'était un pays habité rien que par des femmes, les hommes étant tous en mer. Emmanuel y eut un ressouvenir de l'Ocrist en longeant les maisons couvertes de mottes de bouse de vache et de varech en train de sécher. Il revint à Roscoff, chercha mais en vain Saint-Ninien, bâti à la place même où Marie Stuart débarqua lorsqu'elle vint en France pour épouser François II. Vit la cathédrale avec son beau clocher à dôme du XVe siècle et les ossuaires de la Renaissance qui la précèdent. Il fit le tour du port, alla voir dans une cour de la rue de la Rive les sept arcades à colonnes romanes, prit un ou deux croquis des vieilles maisons et remonta en chemin de fer. Sur son carnet, Saint-Brieuc était résumé comme il suit, ville pas belle, mais qui fut vaillante et qui reste fidèle aux usages du passé. Édifice pas remarquable, quelques maisons anciennes, une entre autres qui a dû appartenir à la famille des Hébert de Fontenelle, dont le plus célèbre, celui de l'île Tristan, fut un fameux brigand. Industrie et commerce assez développés, armes 40 navires pour la pêche d'Islande. Les années passaient sans amener aucun changement dans ces tendres relations. Le temps coulait si doucement que les visages aussi restaient les mêmes, sans plis creusés par les soucis. Telles étaient les réflexions que faisait Emmanuel. Pourtant, il y avait quelqu'un qui changeait. C'était Mademoiselle Jaquette Le Gall. Chaque saison ajoutait quelques millimètres à sa stature, quelques roses à ses joues, quelques fossettes à son sourire. Emmanuel ne l'avait donc jamais regardée et n'avait donc pas compté les jours qu'il fut tout à coup surpris de voir la gamine changer en une belle jeune fille. Il fourra au fin fond de sa malle la grande poupée qu'il avait apportée pour elle, et sous un prétexte quelconque, courut s'approvisionner à Saint-Malo de colifichets plus en rapport avec l'âge de la jeune fille. Elle avait 16 ans, la petite Jaquette. 16 printemps fleuris, c'était bien le mot, car on ne pouvait penser aux hivers en regardant ce visage éclatant de jeunesse. « Va-t'en tristement t'assurer que ta barque est bien amarrée, mon pauvre Yves. Ce n'est pas la peine de la détacher aujourd'hui. ton remuant compagnon est devenu subitement le garçon le plus sédentaire du littoral. Il se sent le cœur si aise depuis qu'il a retrouvé celle qu'il était venu chercher à Saint-Lunaire et que ta tendre femme ne lui a pas rendue parce qu'elle n'en avait plus le visage. Il la revoit maintenant, sa jaquette, telle qu'il l'a connue dans son enfance, telle qu'il l'a représentée dans un portrait fait de souvenirs. Si tu veux qu'il te suive dans tes pérégrinations, mon bon Yves, emmène ta fille. Lorsque le jeune homme cherchait à s'expliquer ce qu'il éprouvait, il était aussi embarrassé qu'il l'avait été en recherchant la cause du malaise qu'il ressentait auprès de Madame Le Gall. Et comme ce n'était ni un analyste, ni un psychologue acharné, il se laissait tranquillement aller au charme de ses impressions nouvelles. Il crut plus tard comprendre, et il se trompait encore. Ce fut l'année suivante. Il s'était attardé à Saint-Enogat et rentrait au commencement de la soirée. En approchant de la maison, il aperçut les silhouettes confuses d'un jeune homme et d'une jeune fille qui causaient ensemble. « Tiens, tiens, tiens, » fit-il, « voilà que les couples de promis se donnent rendez-vous derrière le pignon de Le Gall. Je ne veux pas les déranger. Cependant, je ne serais pas fâché de les voir de plus près. Qui cela peut-il être ?» Au bruit de ses pas, la jeune fille se retourna. C'était Jaquette. « Vous rentrez bien tard, mon frère Emmanuel, » dit-elle. « Nous vous avons attendu pour dîner, bien que nous ayons de la compagnie ce soir. C'est sans reproche, au moins. » Elle présenta les deux jeunes gens l'un à l'autre, et tous trois entrèrent dans la maison. Les jours suivants, Emmanuel fut pris d'un besoin d'activité soudaine, en même temps que d'une taciturnité dont il n'avait jamais donné aucun signe auparavant. À cette agitation succéda une lassitude qui le retint au logis. Il passait les journées dans son atelier, devant une toile blanche, qui attendait une esquisse à laquelle le peintre ne pensait plus. Il s'ennuyait mortellement, sans savoir pourquoi. S'il l'avait osé, il se serait enfermé. Il ne l'osait pas, craignant de blesser Yves ou d'inquiéter Madame Le Gall. Un après-midi, il se trouva seul avec Jaquette, Jaquette 2, comme il disait plaisamment. Elle allait et venait, rangeant les menus objets qu'il avait mis en désordre. Quand elle eut tout mis en place, elle s'assit et feuilleta les dessins d'un carton. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, ce qu'on dit ? » demanda-t-il, la voix altérée par une émotion intérieure. « Que dit-on ? Beaucoup de choses, entre autres qu'on vous voit souvent en compagnie de Pierre Lemoelle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai non plus que vous causiez avec lui l'autre soir, derrière le pignon. Vous savez bien que si. » Il s'écria, pris d'un soudain emportement. « Ne me dites pas que vous voulez épouser ce paysan. Je ne veux pas que vous soyez sa femme. Je ne le veux pas, entendez-vous ?» La jeune fille releva la tête et d'un ton de dignité hautaine. « Vous ne voulez pas ? De quel droit me parlez-vous ainsi, je vous prie ? Suis-je votre fiancée ou suis-je réellement votre sœur ? Un paysan, dites-vous, ne savez-vous pas que chez nous, on est aussi fiers de sa paysannerie qu'on l'est ailleurs de sa noblesse ? Pierre est né paysan et veut rester paysan. C'est-à-dire qu'il veut cultiver, comme l'ont fait avant lui ses pères, le domaine qui appartient à sa famille depuis plusieurs siècles. Beaucoup de messieurs de la ville qui se croient plus que lui compteraient parmi leurs ancêtres des paysans et de ceux qui travaillent le bien d'autrui. Il ne leur manque pour cela que de les connaître, ses ancêtres. « Parlez-vous pour moi ?» fit légèrement Emmanuel. Cette interrogation rappela la jeune fille à elle-même. Elle reprit son ton habituel. « Soyez raisonnable, mon frère Emmanuel, au lieu de me chercher querelle, sans sujet. »« Sans sujet ? Sans sujet, je répète. Venez vous asseoir auprès de moi et laissez-moi vous raconter cette célèbre légende dont tant d'événements inattendus vous ont empêché jusqu'ici de connaître le dénouement. » Elle souriait malicieusement en disant cela. Sans prendre garde à son air railleur, Emmanuel répondit qu'il ne se souciait d'écouter ni cette légende-là ni aucune autre pour l'instant. « Comme il vous plaira, » répartit Jaquette. « Ce sera pour un autre jour. À tout à l'heure, je vais voir si mes fleurs ont besoin d'eau. Vous me quittez ?» Elle fit un signe de tête et sortit. Il la suivit et la rejoignit sur le seuil de la porte. « Tenez, » dit-il en la conduisant au banc de pierre qui était devant la maison. « Asseyons-nous et expliquons-nous. Si je m'assieds, ce sera pour vous faire entendre l'émouvant récit dont vous avez fait fi tout à l'heure. » « À quoi bon ? C'est tout à fait nécessaire. Jamais le moment ne sera aussi bien choisi. Vous en serez convaincu, vous verrez. » Elle lui fit signe de s'asseoir auprès d'elle, et la malice de son sourire s'accentua pendant que, tournant vers lui ses beaux yeux profonds, elle commença. « Le roi du Bignou. Si vous voulez savoir pourquoi Français Narmor avait été surnommé le roi du Bignou, je vous apprendrai que ce n'était pas seulement parce qu'il avait plus de souffle qu'aucun autre sonneur, ni parce qu'il savait plus et de plus beaux airs, c'était surtout à cause de la manière dont il jouait ses airs. Il y a des sonneurs qui peuvent jouer des gavottes depuis l'aube jusqu'à la nuit, sans que personne ait l'idée de lever un pied pour commencer la danse. Avec Français Narmor, ce n'était pas ainsi. Il n'avait pas plutôt fait entendre trois mesures que filles et garçons s'élançaient dans la prairie. À la quatrième, les vieilles femmes suivaient. À la cinquième, les vieux allaient les rejoindre. « Gai, donnez-moi la main, ma douce. Deux pas glissés, un pas frappé, suivez-moi les belles. » Les petits-enfants à la mamelle s'entrémoussaient dans les bras de leur nourrice. Il y avait surtout un air qu'on lui demandait toujours. Celui-là était si entraînant qu'il aurait fallu être impotent pour y résister. Les béquilleuses eux-mêmes en reprenaient de l'agilité. Français Narmor était si orgueilleux de la puissance de ses airs qu'il avait trouvé tout naturel d'être appelé le roi du Bignou. Il se donnait lui-même ce titre, et quand il avait vidé quelques bols de cidre de trop, il affirmait que, s'il le voulait, il ferait danser les arbres, les rochers, les bêtes des forêts et de la mer, comme un certain musicien des temps anciens dont lui avait parlé le recteur, mais dont il avait oublié le nom, Amphion. Pas d'air neuf, de pardon ou de noce, un peu cossu où Français Narmor ne fut appelé. Un jour, on le demanda pour une noce si riche que la mariée portait une robe à laquelle 18 tailleurs avaient travaillé pendant 3 mois pleins, tout le jour durant et la veillée aussi. Une de ces noces où les tables rompent sous les viandes, où l'on boit le cidre à tonneaux défoncés. Il était venu, l'habile sonneur, dans son beau costume de fête, un velours neuf à son chapeau et des rubans de toutes couleurs noués à son bignou, et de sonner. « Allons, une gavotte, les gars! Qui d'entre vous conduit la danse? Allons, une gavotte, les belles filles !» Et comme il faisait bien les choses, il joua son fameux air sans qu'on le lui eût demandé. Au coucher du soleil, quelques couples raisonnables s'éloignèrent, toujours dansant, tant qu'ils purent entendre le bignou de Français Narmor. Aux premières étoiles, d'autres s'en allèrent encore. À la nuit noire, ceux qui restaient crièrent. « Assez, assez, viens avec nous, beau sonneur !» Français voulait suivre la grève, les autres non. Il fallait traverser un endroit que tout le monde disait hanté. C'était une imprudence à cette heure de la nuit. Le roi du Bignou riait et insistait, ivre de vanité encore plus que de cidre. Il se moquait bien, ma foi, des Corrigans, des Morganes et de leurs filles, des lavandières de nuit, de l'Encou lui-même, dut-il le rencontrer, conduisant sa charrette mal graissée. Il répéta ses bravades tant et si bien et si longtemps que tous les invités étaient partis et qu'il se trouvait seul dans la prairie. « Encore un coup, roi du Bignou, et au revoir !» dit alors le maître de la ferme. « Le chemin le plus long et souvent le plus sûr ne suit pas la grève, beau sonneur !» C'était juste ce qu'il fallait dire pour qu'un homme, dans l'état d'esprit de Français, s'entêta dans son idée. Cela ne manqua pas. Le sonneur s'en alla, en suivant la côte. Les vagues, en se brisant, allumaient de pâles fulgurances au bord des plages. Sous la lumière indécise qui tombait des étoiles, les rochers projetaient des ombres noires et sinistres. Français, un peu remis par la fraîcheur nocturne, sentit ce léger frisson qui n'est pas la peur, mais qui lui ressemble. Il joua un air de Bignou pour se rassurer. Il en essaya un second, un troisième, et, sans s'en douter, il arriva ainsi à son fameux air. Alors, il vit quelque chose qui sortait de la mer en tournoyant. C'était un gros crabe, puis ce fut une langouste, puis un homard, et puis des bandes de poissons de toutes sortes qui pirouettaient et se trémoussaient en cadence. « Bon, pensa le roi du Bignou, ne l'avais-je pas dit que je ferais danser les bêtes de la mer ?» Un bruit se fit entendre, comme celui d'un souffleur qui se serait approché venant du large. La lune venait de se lever, éclairant l'océan d'une lueur argentée. Le sonneur aperçut un énorme dauphin qui s'approchait rapidement.

Bientôt, sous le voile rose qui couvrait l'horizon, des rayons de feu jaillirent, reflétés par l'océan. Puis, peu à peu, la couleur d'aurore s'évanouit en une clarté dorée. Le soleil émergea des flots, radieux, triomphant. Un grand vol de mouettes blanches s'éleva dans l'azur, et tous les danseurs, ayant repris leur forme première, s'élancèrent à la fois dans les flots. Quelques Morganes restaient seules pour faire cortège à la fille du roi. Assises sur la grève, elles attendaient le dauphin qui devait les remporter. Françoise ne pouvait détourner les yeux de ce groupe charmant. Fascinés par le sourire des jeunes filles, attirés par leurs gestes, ils s'avançaient lentement vers elles. Le dauphin étant arrivé, les Morganes se placèrent sur son dos. Avant d'y monter à son tour, la fille du roi se tourna vers le sonneur. Elle lui tendit les bras pendant que ses compagnes lui faisaient des signes d'appel. Voici que Françaine est au bord de la grève. Il met un pied dans la mer. Il y met l'autre. Il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il en a jusqu'à la poitrine, jusqu'au menton. Il disparaît. C'est fini. Les hommes de la mer ont pris le roi du Biniou. Quelques jours après, on le trouva couché sur le sable, tenant toujours son Biniou qu'il avait fait chanter encore de son dernier souffle. Les Morganes avaient mêlé à ses cheveux des algues vertes et roses. Elles avaient attaché à ses vêtements une parure de coraux, de perles et de coques de nacre. Mais il était mort et ne devait plus reparaître aux noces, ni aux aires neuves. Et la morale de mon histoire, mon frère Emmanuel, c'est qu'on ne doit jamais chercher à s'allier à des gens de conditions trop élevées. Elle se leva, fit une mutine révérence et rentra dans la maison. Resté seul, Emmanuel réfléchit à ce qui venait de se passer. Au fait, de quel droit avait-il parlé à Jacquette comme il venait de le faire? Lui avait-elle jamais laissé supposer qu'elle eut pour lui un autre sentiment que l'amour fraternel, et lui-même ne l'avait-il pas considéré jusqu'à ce jour comme une sœur? Il remonta par la pensée le cours des années qui venaient de s'écouler. Il revit son arrivée à Saint-Lunaire. Il ressentit de nouveau le malaise qu'il avait éprouvé auprès de Madame Le Gall et la joie soudaine qui l'avait envahi quand il avait revu jeune et vivante la Jacquette d'autrefois. L'aimait-il réellement assez pour en faire sa femme? Il ne savait pas. En réalité, il n'avait jamais formé de projet de ce genre, jusqu'au moment où la jalousie l'avait poussé. Peut-être bien que la jeune fille avait parlé sagement. En tout cas, il ne se sentait pas la force de rester auprès d'elle. Il n'eut pas besoin de dire à Yves ni à sa femme ce qui s'était passé. Il le savait par leur fille. Yves avait dit « L'enfant a raison !» Et sa femme avait ajouté « Votre sœur Jacquette comptait que vous signeriez son acte de mariage comme premier témoin. Ne voudriez-vous pas lui donner cette joie ?» Pour toute réponse, il avait secoué la tête et il était parti pour toujours à ce qu'il croyait. « L'enfant a pourtant raison !» fit Jacquette en le suivant des yeux sur la route poudreuse qui mène à Dinard.